Vous écoutez France Culture. Les humanités. Aujourd'hui, les vendredis de la philosophie par François Nudelman. Les vendredis de la philosophie, le sujet d'aujourd'hui, Freud a-t-il oublié le cerveau ? En inventant la psychanalyse, Freud eut l'ambition de fonder une science plus qu'une philosophie. Pourtant, la résistance des scientifiques à sa théorie de l'inconscient n'a jamais cessé, malgré la reconnaissance d'un savoir et d'une pratique psychanalytique. Une distribution des rôles s'est établie entre ceux qui traitent les maladies cérébrales par la chimie et ceux qui soignent les troubles psychiques par la parole, bien que, dans les faits, cette frontière reste perméable. Les progrès des neurosciences ont récemment permis une connaissance beaucoup plus précise du cerveau et des comportements humains, tels que les affects, les désirs ou les rêves, qui relevaient jusqu'alors de la psychanalyse. Alors, cette concurrence indique-t-elle un différend profond ou un malentendu provisoire ? Elle déborde en tout cas l'enjeu médical et remet en scène une vieille question philosophique qui opposait déjà Spinoza à Descartes, celle des relations entre le corps et l'esprit. Pour discuter de ces questions, j'ai invité François Ansermet, professeur de pédopsychiatrie à l'Université de Lausanne, Catherine Malabou, maître de conférence à l'Université de Paris 10, et Vanina Micheli-Rechtmann, psychanalyste et chercheuse à l'Université de Paris 7. Alors, Catherine Malabou, j'aimerais que vous nous exposiez un petit peu votre dernier livre, parce que voilà, vous êtes philosophe et vous êtes intéressée à la maladie d'Alzheimer. Votre livre s'appelle « Les nouveaux blessés, de Freud à la neurologie, penser les traumatismes contemporains » paru chez Bayard. Et vous commencez ce livre en expliquant que c'est une expérience personnelle, c'est-à-dire la maladie de votre grand-mère, qui vous a amené à remettre en cause bien à la fois ce qui est votre formation et aussi la nature de votre travail, c'est-à-dire la philosophie et la psychanalyse qui, vous semble-t-il, échouaient à rendre compte de ce qui se passait. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire voilà, comment cette motivation a joué aussi sur votre intérêt pour de philosophe pour les neurosciences? Disons que, bon, alors effectivement, je démarre ce livre en parlant de la maladie d'Alzheimer, mais plus généralement, je m'intéresse à des cas de destruction qui surviennent après des lésions cérébrales ou qui sont liées à des maladies neurodégénératives, à des cas de destruction dans lesquels, effectivement, la mémoire est perdue, l'identité du patient est très mise à mal, au point que, et c'est ça qui a déclenché l'envie d'écrire ce livre, les catégories psychanalytiques, y compris celles de psychose, y compris celles de pulsion de mort ou de désintégration. Donc les catégories psychanalytiques me semblent mises en défaut. À ma connaissance, la psychanalyse n'a pas pour l'instant développé d'approche de troubles comme ceci, c'est-à-dire de troubles qui surviennent après quand même de graves traumas et de graves lésions cérébrales. Donc la question est... Est-ce que nous pouvons sans du tout faire de polémique vis-à-vis de la psychanalyse, parce que je précise que, à mon avis, on ne peut absolument pas faire sans la psychanalyse, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une forme de dialogue, de coopération entre neurosciences et psychanalyse, qui permettrait de repenser les catégories de psychopathologie, de remettre en question peut-être les catégories de névrose et psychose qui me paraissent être trop courtes au vu de ce qui se passe aujourd'hui, au vu du tableau clinique, d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas donc envisager un nouveau dialogue qui permettrait de prendre en compte, sans polémique encore une fois, ces nouvelles catégories de destruction psychique. Donc voilà le dialogue, en fait, moi j'ai essayé d'approcher un tel dialogue, voilà, de poser les bases d'un tel dialogue. Vous citez une phrase d'Antonio Damasio dans L'erreur de Descartes qui dit « La distinction entre maladie du cerveau et maladie mentale, entre problèmes neurologiques et psychologiques, relève d'un héritage culturel malheureux qui imprègne toute la société en général et la médecine en particulier. Elle reflète une méconnaissance fondamentale des rapports entre cerveau et esprit. » Oui, j'aime beaucoup cette phrase. Jusqu'à présent, les maladies neurologiques enfin pendant longtemps en tout cas, ont été considérées, par Freud d'ailleurs lui-même, hein, le premier, comme des maladies purement organiques. Avoir une lésion cérébrale, c'était avoir une maladie organique. Or, je crois que, précisément, Damasio nous aide à penser ça, les maladies du cerveau sont les maladies psychiques. Et je crois qu'on ne peut absolument pas faire la part ici entre une maladie organique qui serait une maladie liée à une lésion cérébrale et une maladie psychique qui serait, par exemple, une névrose. Donc, ce qui est en jeu, c'est le lien entre cerveau et psyché ou cerveau et psyché, bien sûr. Cerveau et identité. Cerveau et vie psychique, bien sûr. Alors, Fanina Mikimir-Richman, dans le livre que vous venez de faire paraître, La psychanalyse face à ses détracteurs, vous mettez en valeur, je dirais quand même, un différent beaucoup plus fort, peut-être effectivement et qui peut être levé, ou c'est peut-être un simple litige, comme vient de le signaler Catherine Malabou, mais là vous mettez en scène une sorte de guerre portée contre la psychanalyse, parce qu'on sait bien évidemment que la psychanalyse fait toujours l'objet d'une polémique et récemment ça s'est revenu donc très très violemment, et vous dites voilà qu'il y a véritablement les partisans des neurosciences qui portent la guerre, dénoncent la psychanalyse en elle-même. Alors, est-ce que vous pourriez quand même nous expliquer un petit peu de quoi ça relève? C'est quand même assez profond, c'est pas simplement une évolution récente des neurosciences, c'est un discours qui vient de loin. Absolument. C'est un discours qui vient de loin, mais en même temps, je pense qu'il est vraiment important de différencier différents types de neurosciences. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des neuroscientifiques qui ont un point de vue radical, qui veulent nier d'une certaine manière l'apport freudien, et puis il y a des neuroscientifiques qui souhaitent dialoguer avec la psychanalyse. Et en ce sens-là, je suis tout à fait d'accord, parce qu'on ne peut pas du tout nier l'apport des neurosciences, qu'apaiser la souffrance psychique par des anxiolytiques, des antidépresseurs, c'est-à-dire par l'action d'un neuromédiateur. En plus, je suis psychiatre, je sais très bien que ça fonctionne. L'enjeu, c'est plutôt de savoir qu'il n'est pas question de nier la découverte freudienne pour autant. Oui. Mais vous dites que ces attaques correspondent à une sorte d'idéologie scientifique, on pourrait dire même scientiste, hein, du 19e siècle, qui consiste à réduire le psychisme à la biologie. Est-ce que vous considérez qu'effectivement, chez un certain nombre de neuroscientifiques, neurobiologistes aujourd'hui, c'est cette idéologie-là qui continue, d'autant plus évidemment qu'on peut la voir relayée dans beaucoup d'ouvrages de vulgarisation ou bien dans un traitement médiatique de toutes ces relatives découvertes, hein, et on va avoir l'impression effectivement qu'il y a une sorte de presque de doxa qui se met en place contre la psychanalyse à travers cette manière de dire voilà, bon, on va tout expliquer par les neurones, par ce qui se passe dans le cerveau. Oui. C'est là où, au fond, par exemple, bon, Jean-Didier Vincent, quand il dit « nous, on est des matérialistes du cerveau », et dans une certaine mesure, il n'est pas tout à fait d'accord avec les partisans des sciences cognitives, qui, eux, justement, veulent penser l'esprit aussi. Hein, non seulement le cerveau, mais l'esprit. C'est-à-dire que tout peut se réduire à la science. Hein. Je crois que c'est ça l'enjeu aussi. C'est-à-dire que les neuroscientifiques n'ont pas du tout tous la même position. Oui. Alors, François Ansermet, vous êtes... en quelque sorte à la frontière, mais que vous passez sans arrêt du côté donc médical, psychanalyste, donc vous êtes pédopsychiatre, et vous avez écrit un livre avec Pierre Magistretti, Chacun son cerveau, et justement vous acceptez le dialogue en quelque sorte avec des neuroscientifiques. Oui, je pense que je ne suis pas à la frontière, je me situe vraiment dans le champ psychanalytique. Oui. Et dans la perspective qu'on a adoptée avec Pierre Magistretti, qui est un neuroscientifique, qui est actuellement au Collège de France, à la chaire internationale, le point de vue qu'on a adopté, c'est plutôt un point de vue assez paradoxal, c'est de dire qu'entre neurosciences et psychanalyse, il n'y a aucune commune mesure. Il n'y a pas de recouvrement possible, pas de mappage entre le fait biologique et le fait psychique. C'est sans commune mesure, il faut apprendre à penser dans l'incommensurable. Et puis qu'il y a un point d'intersection qui est par exemple celui de la trace et de la plasticité neuronale. L'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Cette question commune de la trace synaptique, la trace mnésique, la trace psychique, c'est un point commun. Peut-être la trace, la pulsion, on pourrait faire un inventaire de ce qui est à l'intersection de ces deux champs sans commune mesure. Alors, on peut dire aussi que la psychanalyse et les neurosciences se rencontrent aujourd'hui sur l'irréductible question de la singularité. C'est une question, c'est un point de butée pour les neurosciences aussi. Les neurosciences définissent des mécanismes universaux, mais qui aboutissent à produire de l'unique, du chaque fois différent, du totalement singulier. Et ce point-là est un point de butée pour les neurosciences par rapport auquel peut-être la psychanalyse est un interlocuteur très fort pour intégrer, au fond, le modèle psychanalytique à la construction de la question aussi en neurosciences. Oui. Donc il ne s'agit pas d'une logique de la preuve, c'est ça qui est important. C'est pas prouver la psychanalyse à partir des neurosciences. C'est pas une question de la preuve où on isolerait par analogie des mécanismes biologiques qui démontreraient des phénomènes psychiques. Il s'agit de travailler dans l'incommensurable sur des points de butée. La trace en est un exemple. D'accord. Alors, singularité, est-ce que aussi, c'est quand même un point d'indifférence, c'est pas sur la notion de sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un sujet pour les neurosciences, et qu'est-ce que c'est qu'un sujet pour la psychanalyse, quoi. C'est, absolument. C'est ça aussi qui est en jeu, quand même. Absolument. Et ça aboutit, si vous voulez, à une question très importante pour la psychanalyse aussi. Si on prend la logique de la plasticité, c'est dire l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Rien de plus déterministe, rien de, au fond, c'est quelque chose qui implique que tout se marque dans un paradigme de la continuité. Mais les traces se réassocient les unes avec les autres pour former de nouvelles traces. Et donc il y a un paradoxe. L'association des traces entre elles, finalement, sépare de l'expérience et rend inaccessible l'expérience qui les a produites. Ça veut dire que ça aboutit à une théorie de la mémoire comme discontinuité, comme inaccessibilité à ce qui a été à la base de sa constitution. Et ce point-là est d'autant plus important qu'il y a un fait neurobiologique récent qu'ils appellent la reconsolidation. En fait, c'est un très mauvais terme. Le terme plus correct, ce serait la déconsolidation, mais enfin, c'est le terme adopté, c'est la reconsolidation. Christine Alberini à New York travaille là-dessus, Yadin Doudaï aussi en Israël, et puis toute une série de chercheurs. La reconsolidation, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que la trace, l'évocation d'un item mnésique, une évocation mnésique rend la trace momentanément labile et susceptible de nouvelles associations. Donc ça définit le travail de la parole et le travail de l'évocation mnésique comme une discontinuité, comme une coupure, comme quelque chose qui permet de s'affranchir d'une certaine détermination. Alors, je disais qu'il y avait concurrence entre les neurosciences et la psychanalyse. Donc, quand même, malgré tout, on peut observer que la connaissance du cerveau, donc progressant, est revendiquée comme un argument par des neurobiologistes pour aller sur le terrain de la psychanalyse, c'est-à-dire pour répondre à un certain nombre de questions qui sont généralement réservées soit à la philosophie, soit à la psychanalyse, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'amour, comment fonctionne la mémoire, à quoi servent les rêves, d'où vient le plaisir, bref, on peut se demander, et c'est un petit peu votre critique aussi je vois dans votre livre Vanina Micheli-Reschmann, c'est de dire attention, par exemple, comment on rend compte des choix moraux ou sociaux, ça c'est une affaire qui échappe complètement aux neurosciences. Or, pourtant, quand on regarde les livres qui parlent, il y en a beaucoup, hein. Il y a vraiment une production ici éditoriale très forte. Bon, ce sont ces questions-là qui sont abordées et qui intéressent à nouveau frais le public. Oui, c'est là où il y a une confusion du côté des sciences cognitives, c'est-à-dire que les découvertes cérébrales ne sont pas du tout, ne vont pas du côté de l'esprit. Hein, c'est-à-dire que c'est là où la confusion s'instaure, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de globalisation. Hein, et je crois que nous, en tant qu'analystes ou philosophes, on a quelque chose évidemment à dire sur l'esprit. Hein, oui. Et là, il y a une confusion. On va revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, François Sermet, et évidemment sur ces questions sur lesquelles travaille aussi Catherine Malabou, hein, de la plasticité du cerveau. Mais un petit mot avant quand même sur le règlement de compte avec Freud. Est-ce qu'il n'est pas important de rappeler que pour Freud, je disais, hein, l'ambition c'était de fonder une science, c'est-à-dire que c'est quand même le modèle scientifique qui prévaut et que Freud n'a peut-être pas forcément à ce point oublié le cerveau, que quand on regarde un petit peu le lexique qui est utilisé par Freud dès le début. C'est un lexique qui importe des sciences physiques, que c'est le modèle physico-chimique aussi qu'il utilise. Non, est-ce que quand même il n'est pas bon de rappeler que contre ceux qui attaquent la psychanalyse, que l'ambition, elle restait scientifique. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que Freud, d'abord, il faut le resituer dans son contexte. Hein, oui. À l'époque de Freud, évidemment, l'enjeu même philosophique se joue avec la question religieuse et la question des illusions métaphysiques. Hein, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que Freud s'intéresse aux savants de l'époque. Hein, lui-même est dans une recherche. Par exemple, il va travailler dans le laboratoire d'Ernst qui est un grand physiologiste dans les années... il travaille, je crois, pendant 4 ans, 1876-1882. Hein. Il, d'ailleurs, Bruck va beaucoup influencer Freud, et notamment quand il rédige l'esquisse d'une psychologie scientifique. On est en 1895, il est vraiment influencé par Bruck. De même, il va signer Freud avec Einstein, le manifeste positiviste en 1911. Donc il est vraiment très intéressé par la science. Sa question, c'est de quel côté situer la psychanalyse. Et c'est aussi le débat de la querelle des méthodes, c'est-à-dire entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Parce qu'on est dans une période extrêmement intéressante, puisque c'est le moment où les sciences sociales, les sciences humaines, au fond, essayent de chercher une légitimité épistémologique. Donc la question de Freud est de quel côté on va situer la psychanalyse. Il préfère la situer du côté des sciences de la nature plutôt que du côté des sciences de l'esprit. Mais encore une fois, c'est un contexte qui est très différent de celui d'aujourd'hui. Hein, mais lui, il était vraiment très intéressé par la science, tout en disant, hein, en 1939, par exemple, dans l'abrégé de psychanalyse, il dit que même s'il y avait une relation directe entre la vie psychique et le système nerveux, je le cite, elle ne fournirait dans le meilleur des cas qu'une localisation précise des processus de conscience et ne contribuerait en rien à leur compréhension. Hein? C'est-à-dire que voilà, l'enjeu, c'est que bon, on peut localiser, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Alors, il y a quand même un point sur lequel là le différent est fort, c'est la question de la sexualité, dont on sait le rôle qu'elle joue dans la psychanalyse. Et là, Catherine Malabou, vous l'évoquez dans votre livre, il y a malgré tout toute la question de la subordination neurologique de la sexualité, c'est-à-dire effectivement comment on rend compte de la sexualité comme moteur, ou bien est-ce que voilà, on va donner une explication de la sexualité uniquement à travers le cerveau. Je vous cite, une lutte aussi pour la domination étiologique entre psychanalyse et neurosciences. Il s'agit de savoir quelle est la cause est-ce que c'est dans une logique du désir qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe dans le comportement d'un être humain. Est-ce que vous pourriez dire, enfin, quel est aussi pour vous, par rapport à la psychanalyse, quel est l'enjeu de la sexualité dans son origine de la théorie freudienne? Je crois que dans tout le débat immense qui se passe aujourd'hui, effectivement, qu'il faudrait différencier entre diverses écoles. Oui. Ce qui est en jeu, c'est le changement de paradigme dans l'interprétation, c'est très clair. Oui. C'est-à-dire comment interpréter en fait un événement cérébro-psychique. Il est clair que la psychanalyse a mis au point une théorie de l'interprétation, je dis rien d'original, que cette théorie de l'interprétation, elle est directement liée au concept de sexualité. La sexualité, chez Freud, c'est d'abord une herméneutique. Le sens de la vie sexuelle en soi, je dirais qu'il est même secondaire chez Freud. La sexualité, chez lui, c'est un concept d'événement. Ce qui est en jeu, me semble-t-il, aujourd'hui, dans toutes ces discussions, c'est le changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il est clair, vous le disiez vous-même, bon, aujourd'hui, on parle du cerveau comme lieu de l'amour, lieu des passions, lieu des émotions, etc. Il est clair qu'il y a une économie libidinale, pour reprendre ce vieux terme, qui se déplace, et qui, effectivement, on peut penser qu'il y a aujourd'hui une substitution de l'explication cérébrale, par l'explication cérébrale, il y a une substitution de ce que j'appelle la cérébralité à la sexualité. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous l'observez, on le constate, mais qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est pour aller vite, parce que c'est évidemment une question très compliquée, mais en gros, l'explication par la sexualité signifie que pour tout événement, quel qu'il soit, traumatique, hasardeux, contingent, il y a toujours un répondant de cet événement dans la vie psychique du sujet. C'est-à-dire que pour Freud, un événement, il a deux faces, externe et interne. Et que quel que soit l'événement, il fait toujours sens pour moi. Et c'est ça qu'il appelle la vie sexuelle. C'est-à-dire que cette vie sexuelle et cette espèce de vie psychique immanente qui fait que je vais toujours accueillir, intégrer plus ou moins ce qui arrive. Il me semble que dans l'explication cérébrale, cette fois, on peut admettre qu'il y ait des types d'événements qui surviennent, des traumatismes, et qui ne rencontreront jamais rien chez moi. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas intégrés. Et là, c'est le débat que j'aimerais bien avoir aussi avec François. Effectivement, il y a une discontinuité de la trace, qui fait que, par exemple, un Alzheimer ne me semble pas rencontrer une vie préexistante. Je crois que là, il y a une rupture entre deux identités. Et il me semble, mais c'est la question que je pose, que Freud n'admettait pas ça. Hein, il dit, la vie psychique est indestructible, même dans les cas les plus, comme on sait, extrêmes, hein, qu'il évoque dans Au-delà du principe de plaisir, il y a toujours un moyen de faire se rencontrer un accident de chemin de fer ou un traumatisme de guerre avec ce qu'il appelle l'ennemi intérieur, ou voyez. Et donc, je pense qu'il est temps peut-être de faire droit à ces discontinuités dans... effectivement, dans l'identité, dans les événements. Oui. Mais alors, inversement, si vous voulez, sur l'explication dite neuroscientifique de la sexualité, si on prend à l'inverse. Quand je lis certains ouvrages, là, vous avez cité tout à l'heure Jean-Didier Vincent, j'avais proposé de venir, mais je ne sais pas si il redoute la mise en cause, mais quand je lis, par exemple, dans un de ses textes, ce dernier texte sur le voyage au centre du cerveau, que le désir sexuel chez le mâle et la femelle rat n'est pas très différent dans sa mise en acte, dans les structures et les molécules qui entrent en jeu chez l'être humain. Quand il parle de la mécanique du désir sexuel qui se situe donc dans l'hypothalamus, quand d'un coup il s'agit de distinguer surtout sexualité et amour qui n'ont rien à voir, là, c'est amusant parce que c'est à la fois, on peut dire, réductionnisme, et puis on se retrouve une espèce de dualisme là. Un petit mot, je pense quand même que ce que ça veut dire, vous avez deux façons de le lire. Soit vous lisez ça comme vraiment, c'est complètement crétin. Bon. Soit vous lisez la libido n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une énergie qui serait spécifiquement sexuelle. Oui. Et là, les choses sont plus intéressantes. Voilà, mais... Oui, François Sermet. Bon, je crois que cette question est une question importante, continuité ou discontinuité, pour la psychanalyse. Mmh. C'est une question ouverte. Mmh. La psychanalyse n'est pas un système fermé. C'est quelque chose qui est en perpétuel travail sur des concepts fondamentaux, sur une clinique. Et je pense que la question du vivant dans la psychanalyse devrait être aujourd'hui revisitée. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une trace par rapport à la question que vous posez La trace, c'est la première trace pour Freud, c'est ce qu'il appelait dans la fameuse lettre du 6 décembre 1896, c'est le signe de la perception. Ça veut dire que dans sa conception, c'est un mixte de vivant et de langage. Et ça, c'est un point aujourd'hui. S'il y a une recherche à faire dans la psychanalyse, c'est sur ce statut du traitement du vivant par la trace. Ce que Lacan disait d'ailleurs, ce signe de la perception, je lui donne son vrai nom de signifiant. Donc, est-ce que c'est un signifiant? Est-ce que c'est une lettre? Comment le langage se greffe sur le vivant, vient le parasiter? Et là, il y a un point très très important, c'est l'excès du vivant. Une sorte de jouissance primordiale, quelque chose de l'ordre de l'au-delà du principe de plaisir. Et que la trace a un rôle de traitement de cet excès du vivant. Si vous voulez, la fonction homéostatique de la trace. Attendez, parce que l'excès du vivant, est-ce que ça veut dire que c'est le vivant qui donc a des formes d'excès, ou bien c'est quelque chose qui excède le vivant? Non, je pense que c'est le vivant qui a des excès. Oui, c'est-à-dire, c'est que le petit homme tombe dans le monde inachevé. L'inachèvement, c'est une question fondamentale pour l'humain. L'inachèvement du petit homme, l'état de détresse du nourrisson, Hilflosigkeit, disait Freud, cet état primordial, au commencement est la détresse. Au commencement est l'inachèvement. Il faut l'action de l'autre, à l'action spécifique de l'autre, comme Freud le disait dans l'esquisse, pour permettre la décharge de l'excitation, c'est-à-dire le passage du déplaisir au plaisir. Et en même temps, le passage du cri du vivant, à l'appel, à la demande. Dans ce mouvement, l'enfant entre dans le monde du langage qui lui préexiste, c'est-à-dire qu'il est colonisé, il est parasité par le langage. Et je crois que c'est tout le problème de l'humain, si on veut. D'accord. Alors on reste dans une approche psychanalytique. Que nous apportent les neurosciences là-dessus? Les neurosciences, cette question est tout à fait au centre des neurosciences, c'est au centre de la psychanalyse. Comme le disait Freud, comme l'a très bien repris Lacan, par exemple, dans le séminaire sur l'éthique, on ne connaît du monde intérieur que des signes de peine ou de plaisir, que des signes de déplaisir ou de plaisir. C'est-à-dire, on ne connaît que la lecture, si vous voulez parler en langage contemporain des neurosciences, la lecture des états somatiques. On procède dans la décision, dans l'action, à partir aussi de l'anticipation de l'état somatique dans lequel on va se trouver au bout de l'action. C'est la thèse de Damasio autour des marqueurs somatiques. C'est exactement aussi ce que anticipait Freud dans la façon dont il mettait au centre des processus de pensée la question du plaisir ou du déplaisir. Bon, si vous voulez, on va prendre un autre exemple qui est typique quand même de la théorie psychanalytique, le rêve. Hein? Prenons le rêve. Là, on a pris la sexualité, prenons le rêve. Alors là-dessus, est-ce que véritablement, on est dans, comme vous le disiez François Sermet, l'incommensurable, c'est-à-dire vraiment, il n'y a pas de comparaison possible entre l'approche neuroscientifique du rêve et l'approche psychanalytique, ou bien est-ce que véritablement, à travers ce que vous dites, à travers l'idée de la trace, il peut y avoir un lien ou une complémentarité. Pour dire les choses de manière un peu brutale, mais on sait très bien qu'il y a une interprétation du rêve chez Freud, qui nous a amené à comprendre effectivement des logiques signifiantes, des logiques de déplacement, etc. Et puis, bon, quand on lit des neuroscientifiques, effectivement, on voit qu'il y a du sommeil paradoxal, qu'il y a des moments où effectivement il y a des activités cérébrales. Et je constate quand même dans certains livres, le même livre que je citais il y a quelques instants, qu'il s'agit surtout de dire, bon, il y a eu quand même Freud qui, je cite quand même, nous a évoqué les sortilèges du rêve. On voit bien que quand même il y a une manière de reléguer Freud dans sorte de mysticisme ou bien bon d'approche très littéraire. Et puis de l'autre côté, on va mettre sur le même niveau ceux qui travaillent sur l'analyse des excitations dans le sommeil pour comprendre ce qui se passe quand le cerveau est endormi, pour comprendre que par exemple quand il y a des érections dans le sommeil, c'est absolument pas lié au rêve lui-même et donc à ce qui se passe dans la scène du désir. Donc il y a quand même là, j'ai l'impression, il y a une barrière infranchissable, non Catherine Malabou. Je réponds brièvement, puis bon, encore une fois, je crois qu'il y a deux façons de lire ça. Je crois qu'on peut effectivement se révolter contre un certain réductionnisme, etc. Mais je crois aussi qu'on peut voir une mise en cause des catégories que Freud disait fondamentales, le rêve comme expression de l'inconscient, parce que. Que se passe-t-il? C'est la question que je vous poserai. Que se passe-t-il lorsque, après certaines lésions cérébrales, le patient est privé de la capacité de rêver? Il y a des gens qui ne rêvent plus. Est-ce à dire qu'ils n'ont plus d'inconscient? Il me semble que Freud, parce qu'il n'a jamais voulu prendre en compte la question des lésions cérébrales, n'a pas répondu à ce genre d'interrogation. Donc, c'est peut-être. Ça peut se vérifier qu'on ne rêve plus. Bien sûr, oui. Quand il y a certaines atteintes. C'est simplement un problème de mémoire du cerveau. Non, c'est des atteintes du cortex visuel qui fait qu'on ne forme plus d'images, des atteintes très graves, qu'on ne forme plus d'images et donc on ne rêve plus. D'accord? C'est Mark Soames qui a écrit un livre, L'anatomie clinique des rêves, et qui est un lecteur de Freud. Alors voilà, moi, la question que j'aimerais poser, c'est que se passe-t-il lorsqu'on remet en question, lorsque sont remises en question de fait par les maladies cérébrales des catégories que Freud disait indestructibles. Oui, mais alors Catherine Malabou, qu'est-ce qui se passe quand on rêve plus? Qu'est-ce que ça devient Freud? Oui, mais Catherine Malabou, on peut dire voilà, il y a effectivement des mécanismes qui permettent de rêver ou de ne pas rêver, mais ça n'empêche pas que pour comprendre ce qui se passe dans le rêve, on a besoin d'autre chose que l'étude des synapses ou des neurones. Je veux dire non. Je dis ça un peu brutalement, mais quand même, même si effectivement on comprend qu'il y a une activité cérébrale étudier précisément. Bien sûr, comme ça. Mais en même temps, je vous dirais, si on peut jouer à ce petit jeu-là, pour comprendre les rêves, on a aussi besoin d'autre chose que des symboles de l'inconscient. Oui, Vanina Miglirichman. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait que il soit évident que sur le plan neurophysiologique, on sache à quel moment un sujet rêve, avec le sommeil paradoxal, etc. Ça ne rend pas du tout la théorie freudienne ou lacanienne du rêve obsolète, parce que la question pour la psychanalyse, c'est chaque rêveur, c'est interpréter un rêve singulier. Ce que disait François Ansermet, la question de la singularité. Oui. Voilà, oui. Et ce rêve singulier, il s'interprète dans le cadre d'une cure analytique, et on sait bien que l'interprétation d'un rêve, justement, c'est une complexité assez intéressante, puisque du coup, ça ne peut se faire que d'abord du côté du rêveur. Il ne s'agit pas d'imposer une interprétation au rêve, hein, c'est là où toute la question de la clé des songes, etc. Freud a beaucoup évolué sur cette question, puisqu'il s'est beaucoup intéressé justement à toutes les théories du rêve, à Artemidore, etc. Et il a bien justement démontré que ce qui compte, c'est comment un sujet particulier interprète son rêve dans le cadre du transfert. Il ne peut plus le faire, alors il n'a plus de... Il ne relève plus, on peut plus le soigner, on peut rien faire pour lui. Quand un sujet ne peut pas rendre compte. Bon. Oui, mais alors ça veut dire que, voilà, j'entendais d'ailleurs une fois une émission de notre chaîne, quelqu'un qui disait, un neuroscientifique qui avait travaillé sur elle, qui disait, bah, si je croise un psychanalyste dans l'escalier, effectivement, on peut se dire bonjour, mais pas plus, quoi. Donc, parce qu'on travaille sur des choses complètement différentes. Donc, on peut dire, voilà, on respecte, il y a une légitimité de chaque recherche, mais, comment se fait le lien? François Sermet, vous parliez quand même de la question de la trace. Alors là, je sais pas, est-ce qu'elle se pose dans le terme quand on analyse le rêve? Bon, par rapport à la question posée par Catherine Malabou, j'ai beaucoup de peine à y répondre dans la mesure où je travaille plutôt en périnatalité avec des très jeunes enfants ou avec des adultes en psychanalyse et j'ai pas une expérience directe de la clinique avec le sujet avec présentant des maladies dégénératives, des démences, des problématiques comme l'Alzheimer. Mais dans ma confrontation avec mes collègues qui travaillent sur ce type de thème, en particulier une fois que je parlais de l'expérience de détresse du nourrisson et de l'inachèvement du petit homme, et puis cette perplexité du petit homme face au vivant qui l'envahit, eux ont dit mais c'est exactement le type d'angoisse qu'on trouve dans les hôpitaux de psychogériatrie, c'est-à-dire que le sujet peut plus traiter par la trace le vivant qui fait irruption. Et il y a un certain parallèle. Donc pour moi, la question centrale par rapport à votre question sur le rêve, sur les autres phénomènes, c'est cette nécessaire connexion entre le vivant et le langage. Tout est dans cette histoire. Si oui, vous voulez, le problème, alors pour le rêve, le problème de l'humain, c'est qu'il est dénaturé. Le petit homme, inachevé de naissance, qui a besoin de l'autre, est colonisé par l'autre, il est dénaturé, il a perdu le mode d'emploi, on n'a plus le mode d'emploi. Hein, je veux dire, si on était encore peut-être des animaux pour autant que... Oui, mais enfin bon, pour être conscient, on dirait que c'est dans sa nature d'être dénaturé, non? C'est, alors, bon, évidemment, mais je crois qu'il faut tirer une conséquence sur le fait que par l'introduction du langage qui joue matériellement dans l'homophonie, dans le malentendu, dans le glissement de sens. Finalement, le langage implique des erreurs. J'ai retrouvé un petit texte formidable de Michel Foucault qui s'appelle « La vie, l'expérience et la science » dans la revue de Métaphysique en 1985 où il dit « La vie, c'est ce qui est capable d'erreur ». La caractéristique du vivant, n'est-ce pas, la vie aboutit avec l'homme, je cite, à un vivant qui ne se trouve jamais tout à fait à sa place, un vivant qui est voué à errer, à se tromper. Et je crois que c'est ça le résultat de la connexion nécessaire du vivant et du langage, c'est que le langage introduit par tous les détours de connexion, de disconnexion, de modification qu'implique le langage, introduit une erreur créatrice va du côté de l'acte manqué, du lapsus, du malentendu, oui, puis aussi sûr. Du rêve. Ça arrive, on est sur le terrain de la psychanalyse. Catherine Malabou, quand même, ce que je voudrais pointer, parce que c'est quand même ça aussi qui rend votre livre absolument passionnant, c'est que ce que vous essayer de travailler, c'est pas justement l'incompatibilité, mais c'est justement, vous inventez un concept, la cérébralité, hein, la coïncidence du cerveau et du psychisme, donc finalement, ce qui nous intéresse, c'est au-delà de cette espèce d'affrontement, qui d'ailleurs est particulièrement français, parce que je suis, bon, dans sa papille, il est quand même mondial. Ah bon? Je voulais y venir tout à l'heure, mais par exemple, l'idée de neuropsychanalyse. Oui, bon, elle existe quand même largement. C'est quand même assez conflictuel, aux États-Unis. C'est, effectivement, comme disait Vanina, il y a des réductionnistes purs et durs qui ne croient pas du tout dans la neuropsychanalyse. Oui. Donc, bon, alors, donc vous essayez quand même d'aller au-delà de... Oui, parce que je pense que Freud, je ne sais pas s'il a oublié le cerveau, c'est une question très intéressante d'ailleurs. Si c'est vous qui l'avez trouvée, elle est très belle parce que... Bon, je l'ai trouvée à partir de vos livres. Elle est vraiment très intéressante. Parce qu'au moins interpréter cet oubli, justement, il me semble en même temps que Freud y revient d'une certaine façon et que c'est lui-même le premier qui remet en cause sa théorie du rêve, comme vous savez, dans Au-delà du principe de plaisir, quand il dit il semble que certains rêves n'accomplissent pas un désir, puisque après un trauma, on remarque que le rêve ramène le malade à la situation de son accident, donc le rêve ne remplit pas sa fonction. Donc on voit que Freud est au bord de glisser vers ce qu'il appelle l'au-delà du principe de plaisir, le rêve n'aurait plus la fonction, il n'y aurait rien à interpréter dans un rêve comme ça. Vous avez un accident, je ne sais pas, vous êtes victime d'un attentat, n'importe quoi, toutes les nuits vous rêvez de ça, comme il se passe aussi dans les cas de syndrome de stress post-traumatique. On voit que Freud se pose la question en se disant peut-être qu'il y a certains cas où le rêve, d'une certaine manière, devient inadéquat pour donner les clés de l'inconscient, ou alors il en donne d'autres. Mon problème à moi, hein, c'est que sur le seuil de cette autocritique de la psychanalyse, qui se résume effectivement à cette question géniale, y a-t-il un au-delà du principe de plaisir? Peut-on expliquer les choses autrement que par le plaisir et la sexualité? Il me semble que sur cette frontière-là, il s'arrête. Vous voyez? Vendredi de la philosophie sur cette question, Freud a-t-il oublié le cerveau? Alors, on a parlé des comportements humains et revenons peut-être à tout simplement à la question de la maladie, parce que c'est là évidemment que, au-delà d'une théorie générale des comportements humains, c'est là que véritablement l'affrontement peut se produire, ou le différent peut apparaître entre psychanalyse et neuroscience. Dans l'analyse des maladies, évidemment, on peut se dire que la connaissance scientifique est déterminante, surtout quand il s'agit de repérer des dispositions génétiques à une maladie. Hein, je sais pas, par exemple, le diabète, on sait très bien que voilà, ceux qui ont un héritage, une hérédité plutôt diabétique, risquent de déclencher cette maladie. Mais en même temps, voilà, on doit poser aussi la question de la causalité. Qu'est-ce qui fait que c'est à un moment donné précis que tout d'un coup se déclenche la maladie? Est-ce que la détermination là est purement génétique, mais dans la temporalité, dans la singularisation aussi de l'apparition de cette maladie, voilà, est-ce que là tout d'un coup on n'est pas obligé quand même d'aborder la psychanalyse, d'autant plus qu'on sait que Freud a expliqué que de temps en temps la maladie aussi peut être un choix, hein, on peut choisir d'être malade inconsciemment, bien sûr, hein, ça peut être un refuge. Donc là c'est toute la causalité des dommages, hein, pourquoi ça intervient à un moment donné? Bon, quand vous travaillez sur la maladie d'Alzheimer, bon, évidemment, il y a une dégénérescence cérébrale, mais pourquoi à ce moment-là? Voilà. Hein, est-ce que là, il n'y a quand même pas un lien nécessaire, ou comment se fait la compatibilité entre les deux approches? Qui veut bien me répondre à cette question? Il y a la question des maladies, on va dire, extrêmes. Hein, la maladie d'Alzheimer, on peut dire qu'on sait qu'il y a une dégénérescence, etc. La différence, ce serait sur la psychosomatique, par exemple, hein. C'est-à-dire que nous, en tant qu'analystes, on sait qu'il y a certaines maladies ou symptômes qui peuvent être déclenchés, hein, par un conflit psychique. C'est pas tout à fait pareil, hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'extrême, hein, de la maladie d'Alzheimer ou de l'autisme, hein, par exemple. L'autisme est un exemple très intéressant parce que du coup, d'abord, il y a plusieurs écoles de pensée, hein. Je crois que c'est un domaine en pleine en pleine recherche, un enfant autiste qui ne parle pas, donc nous n'avons pas accès au langage comme analyste, il n'empêche qu'il se passe des choses et qu'on peut on peut travailler avec un enfant autiste, hein. Il n'empêche que probablement il y a aussi sur le plan neurologique des choses. Tout ça, c'est une hypothèse. François Sermet. Bon, je prendrai votre question sur la maladie et la détermination biologique des maladies, par exemple la détermination génétique des maladies, pour dire que peut-être tout ça doit être aussi aujourd'hui réexaminé à partir du paradigme de la plasticité. Mmh. Hein, dire que l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal, c'est dire qu'il y a un changement permanent. Ça veut dire, mettons que vous trouvez un cerveau dans un état A, ensuite se produit un stimulus, une expérience. Cette expérience aboutit à une action qui s'inscrit et qui donc modifie le réseau neuronal. Mmh. Donc on a un cerveau qui change tout le temps. Oui. C'est-à-dire que c'est Héraclite appliqué au réseau neuronal. Hein. On n'utilise jamais deux fois le même cerveau. Mmh. Finalement, on vit tellement d'expériences qu'on se plonge tous les jours dans un homme différent. Mmh. Dire que le cerveau change en permanence en fonction de la contingence, c'est une énorme mise en question du paradigme déterministe classique en génétique, mais aussi, pourquoi pas, dans le champ de la psychologie, où on a souvent la causalité naturelle, oui, du 19e. Oui. Ça veut dire... Cela dit, bon, l'évolutionnisme l'acceptait, ça, cette idée quand même que, voilà, il y a à partir du milieu, de l'expérience, un, oui, changement, mais... des déterminations génétiques. Oui, mais l'évolutionnisme est imaginé par rapport à une évolution et des sélections, etc. Oui. Là, ce qui on trouve ça dans la logique du vivant de François Jacob. Alors, aussi, dans la logique, oui, du vivant de François Jacob, tout à fait d'accord. Mais là, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a la place réservée pour la contingence. Mmh. Donc, si vous voulez, on serait biologiquement déterminé pour ne pas être complètement biologiquement déterminé. On serait, dans une certaine mesure, si on pousse la formule, génétiquement déterminé pour, oui, ne pas être génétiquement, oui, déterminé. Génétiquement, oui, déterminé pour être libre. Donc on ne peut pas penser la maladie seulement dans une opposition entre le génétique, le biologique et le psychique. Il, dans la mesure où le biologique laisse une place centrale au... Oui. Oui, mais je reviens sur des questions comme ça un peu précises, sur des cas. Bon, alors, parler de l'Alzheimer, évidemment, mais si on prend des maladies qui sont, on ne sait pas trop, dégénératives, mais en même temps, voilà, qui ne sont pas irréversibles, je sais pas, la sclérose en plaques, pourquoi, tout d'un coup, il y a des crises qui se déclenchent, et on sait très bien qu'il peut y avoir des facteurs psychologiques très, très forts dans le déclenchement d'une crise. Et en même temps, voilà, on sait bien qu'il y a quand même aussi un problème sur la moelle, sur les nerfs, etc. Donc, comment ça joue ? C'est-à-dire, comment ensuite penser et soigner, évidemment, hein, ces maladies, hein, et en quoi les neurosciences et la psychanalyse peuvent être complémentaires, hein. Catherine Malabou. Et je pense que c'est précisément sur ce point qu'il faut revenir à la psychanalyse. Autant j'interroge radicalement donc la psychanalyse sur sa capacité à intégrer... ce type de maladie, autant je pense que, à l'inverse, nous devons retrouver Freud sur ce point. Je pense que l'on peut avancer l'hypothèse de quelque chose comme une pulsion de mort cérébrale, et que, en effet, certains patients choisissent, si on peut, enfin pour reprendre cette expression, de se laisser, oui, mourir. Oui, oui. Il est évident qu'on ne peut pas... Et la plasticité peut être destructrice. Et la plasticité peut être destructrice. Il est évident qu'on ne peut pas ne pas penser, par exemple, après un trauma, quand on parle de ces états de sidération, d'indifférence, etc., on ne peut pas penser que là, quelque chose se déclenche. Oui, François Germain. J'aimerais dire quelque chose sur cette pulsion de mort cérébrale. Hein. C'est un terme très, très fort que vient de dire Catherine Malabou, qui correspond à une préoccupation qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, prenez l'imagerie cérébrale par rapport aux maladies et toutes ces choses-là. On regarde toujours qu'est-ce qui s'allume, pour être simple, quand on écoute la musique. Or, il y a un bruit de fond, un basal, qui est comme un phénomène d'iceberg. On regarde la pointe des icebergs et on ne regarde pas ce qu'il y a sous l'iceberg. Qu'est-ce que c'est, cette constant travail basal? Pour certains, comme Nadine Doudaï, par exemple, et Reichel, qui est un chercheur sur le métabolisme cérébral, c'est qu'il faut une énergie constante pour que les traces ne s'effacent pas. finalement, il y aurait une tendance spontanée à l'effacement des traces. Ce serait ça quelque chose, le retour à l'inanimé, disait Freud. Quand il parlait de la pulsion va vers le retour à l'inanimé. Mmh. Le retour à l'inanimé, c'est cet effacement permanent qui nécessite une énergie pour les maintenir. Donc il y aurait peut-être des maladies de l'effacement des traces. Oui. Alors, du coup, j'ai envie de vous demander, mais comment se traite une pulsion de mort cérébrale? Voilà. Comment on l'aborde? Comment on l'approche? Il y a un livre intéressant de Gaudière et d'Avoine, qui s'appelle La folie des guerres, histoire et trauma, dans lequel ils disent, parce que évidemment quand on est indifférent, quand on se laisse mourir, c'est une des raisons, mais on a aussi perdu le langage, la mémoire, etc. souvent, mais en plus on ne peut plus transférer sur le psychanalyste. Donc comment soigner? Et ces deux psychanalystes avancent l'hypothèse d'une forme de transfert inversée. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on prêterait une subjectivité momentanée, on serait la trace, on prêterait une subjectivité, on va dire, de supplément, d'emprunt. Oui, oui, oui. Ça, j'ai cru en comprendre que ça faisait partie de ce qu'on appelait la psychosomatique intégrative aujourd'hui. J'ai entendu du côté de Jean-Benjamin Stora à la Salpêtrière. C'est aussi une manière de pas laisser ces gens-là de côté. Laisser végéter. Cette possibilité de proposer une subjectivité tierce plutôt qu'un transfert, là. Mais c'est une question très vertigineuse, ce dont on est en train de parler juste maintenant. Parce que si on imagine, la plasticité poussée à l'extrême, c'est de dire que la question, au fond, des neuroscientifiques, par rapport même à l'imagerie de la plasticité, vous voyez ce cerveau qui est en perpétuel mouvement, c'est vraiment celle de l'identité diachronique. C'est-à-dire comment ça se fait que quelque chose tienne malgré toute cette place laissée à la contingence. Alors que la question de la psychanalyse, elle est classique, c'est plutôt il y a une compulsion de répétition, rien ne change, comment changer? Et je trouve que on est à un moment très intéressant, peut-être un moment de révolution scientifique au sens de Kuhn, où on a deux paradigmes qui convergent sur la trace, mais qui aboutissent à deux visions différentes. Les neuroscientifiques se demandent comment ça fait pour se conserver, et les psychanalystes, comment ça peut changer. Ouais. Parce que tout à l'heure, vous évoquiez ce cerveau qui ne cesse de changer, il n'est jamais le même, et en même temps, il y a quand même une mémoire, une continuité. Alors, je posais la question des causes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un facteur déclenchant qu'une maladie survient? Est-ce que ce sont des causes qui viennent du corps, qui viennent du psychisme? Mais il y a aussi la question des conséquences, c'est-à-dire des métamorphoses post-traumatiques, qui fait que, voilà, on va aborder, un patient va je sais pas comment dire, gérer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas va vivre sa maladie différemment. Donc là, est-ce que justement il n'y a pas une sorte de surdité peut-être face à la psychanalyse sur le traitement des maladies qui peuvent apparaître comme, je sais pas, par exemple encore une fois un diabète, une sclérose en plaques, où là il est quand même nécessaire aussi de traiter la maladie aussi en essayant d'impliquer un sujet et de qui travaille sur son inconscient et qui est dans la représentation qu'il a lui-même, ce sujet de cette maladie, non? Absolument. Qu'un organisme soit atteint, par exemple même un X fragile ou une trisomie, ne préjuge pas de quel sujet va s'en déduire. Et les gens, les sujets, se construisent, trouvent leurs solutions, même dans des situations extrêmes. Encore faut-il qu'on puisse les rencontrer et les entendre, et supposer qu'il y a un sujet. Mais je pense que ça, c'est très important ce que vous dites. Quand un organisme est atteint, la question du sujet qui s'en déduit reste ouverte. Oui, c'est-à-dire qu'un... avec les Reichmann. C'est-à-dire qu'une maladie, c'est quand même un sujet. C'est-à-dire que ce qui peut être tout à fait important pour la psychanalyse, c'est elle être malade, du coup, reste un sujet parlant, et c'est là où l'analyste peut tout à fait avoir sa place dans la manière dont il peut parler de sa maladie. Bien sûr que la question du déclenchement, il y a beaucoup d'analystes, par exemple, qui travaillent sur le cancer. Comment, pourquoi, à tel moment, le cancer se déclenche? Il est évident qu'il y a une complémentarité entre les médecins somaticiens qui vont soigner le cancer et pourquoi pas des analystes qui seraient dans cette position d'entendre ce sujet-là, hein, et d'essayer de comprendre, de l'aider en tout cas à faire advenir ce qui, oui. Voilà, ce oui, qui oui, lui oui. arrive. Alors, pour revenir quand même peut-être sur un aspect un peu polémique, mais à partir aussi de votre livre, Venena Michaeli-Reschmann, donc sur la psychanalyse face à des tracteurs, est-ce qu'il n'y a pas, à partir du traitement des maladies, je ne sais pas, par exemple, neurodégénératives, hein, comme l'Alzheimer, une tentation à globaliser, hein, et donc du coup à traiter aussi de manière plus scientiste, bon, les des maladies psychiques, mais qui sont par exemple comme la névrose, hein, est-ce que certains appellent les pathologies donc de l'humeur. Je suis frappé aussi de voir que ce terme, ce vieux terme de la médecine qu'on trouvait déjà chez Descartes revient, les pathologies de l'humeur, pour éviter de dire dépression. Alors on peut observer effectivement qu'il y a des imageries cérébrales, des effondrements psychiques. Alors effectivement, un déprimé, on peut observer voilà qu'il y a des choses qui se passent, il y a des petites lumières qui s'allument plus ou moins bien. Bon, d'accord. Mais voilà, est-ce que véritablement là on n'est pas dans une dérive où voilà, à partir de ce qu'on sait des maladies encore une fois neurodégénératives, là brusquement voilà, ça y est, on va penser que les dépressions vont se traiter uniquement à partir d'une connaissance qu'on a du cerveau. Inversement, non, ce qui est pas quand même ici un problème. Mais là encore, c'est intéressant parce que oui. Du coup, un déprimé, il est évident que les antidépresseurs, ça va l'aider quand bien même. Sûr. Hein, ça, et ce qui est intéressant, c'est la complémentarité encore une fois. C'est-à-dire que un patient déprimé qui prend des antidépresseurs, précisément, il pourra peut-être mieux avoir accès à la parole. Et du coup, le travail de l'analyste s'en trouvera d'autant plus posé, hein, c'est-à-dire que là, il va enfin pouvoir sortir peut-être de quelque chose où il ne pouvait plus rien faire, et la parole va lui permettre, justement, enfin l'accès de nouveau possible à la parole va lui permettre d'élaborer sur oui. ce qui lui arrive. Oui, oui, donc c'est très complémentaire. Bien sûr. En fait. Enfin, on pourrait prendre des exemples très précis, comme je parlais de la notion d'hyperactivité, hein, qui est une catégorie qui a été formée comme ça récemment et qui recouvre des problèmes très très différents, mais qui tout d'un coup, évidemment, sont prises en charge par un traitement chimique. Donc il y a des tas d'exemples comme ça qui montrent que malgré tout, il y a une guerre en quelque sorte. Non, mais je dirais que cette guerre, elle est aussi liée, elle n'est pas seulement une guerre entre psychanalyse et le point de vue psychiatrique, biologique, elle est une guerre liée à un certain déclin de la clinique. Mm-hmm. Ça veut dire que la clinique, c'est une méthode pour penser l'un et le multiple, pour accéder à la singularité, à l'expérience de la singularité en tant que telle. Au fond, la clinique classique, qui était aussi celle du psychiatre, consistait à, et du psychanalyste, à construire la particularité du cas. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans, au fond, un système plutôt basé sur des items, des signes. On collecte des signes qui corrèlent entre eux et on définit des syndromes qui, au fond, perdent en chemin la singularité. Or, les questions les plus contemporaines des neurosciences ramènent en jeu le problème de la singularité. Donc là, il y a un énorme malentendu parce qu'il y a des études faites sur des syndromes qui sont des collections de signes et des conventions internationales pour définir ces syndromes et qu'en fait, ce qui est notre instrument de travail pour le traitement, mais aussi pour la recherche, c'est le point de singularité, c'est le point de particulier. Mmh. Pour ça que la psychanalyse, à mon avis, elle a un avenir énorme devant elle. Elle est dans une certaine mesure l'avenir de la médecine, l'avenir d'une certaine médecine qui oublie la clinique. Et on retrouve ça d'ailleurs avec les biotechnologies. Aujourd'hui, un vertige par rapport aux techniques nouvelles, aux biotechnologies, y compris sur le cerveau, les appareillages qui vont exister avec des puces qu'on peut greffer directement sur le réseau neuronal pour se compléter de systèmes de mémoire, on pourra ajouter des mémoires préétablies, etc. Créer un vertige chez les biotechnologistes eux-mêmes qui appel à la psychanalyse comme praticien du un par un. Et je pense qu'il y a un avenir pour la psychanalyse. On n'est pas du tout dans un moment de destruction de la psychanalyse. D'accord. Catherine Malabou, dans quelle mesure, ici, on a affaire à un débat philosophique, donc sur le lien, effectivement, entre le psychique et le cérébral? Est-ce qu'on ne retrouve pas, effectivement, une question de fond, qui est l'articulation entre le corps et l'esprit? Comment vous l'abordez, vous, puisque votre travail est philosophique? Est-ce que, bon, à travers cela, c'est pas cette question de fond qui revient? Oui, en effet, qu'est-ce que la philosophie a à voir là-dedans? Et en tant que philosophe, pourquoi est-ce que finalement je me suis plongée dans cette histoire? J'ai dit au début de mon livre que la philosophie s'était beaucoup interrogée sur les modes de désistance, c'est-à-dire la fuite au-delà du sensible chez Platon, l'angoisse chez Kierkegaard, chez Heidegger, mais qu'à mon avis, on n'avait jamais interrogé d'un point de vue philosophique l'adieu à l'existence par, je veux dire, qui était dû à la maladie. Il n'y a jamais eu en philosophie une approche de la pathologie de l'absence. On a expliqué toujours l'absence par des raisons soit métaphysiques, ontologiques ou existentielles, mais jamais, sauf par la réflexion sur la psychanalyse, mais jamais sur le fait que le cerveau en tant que tel pouvait être un organe essentiel de la subjectivité, qu'il pouvait être malade, et qui pouvait de ce fait nous guider induire un certain type de comportement qui ne peuvent qu'intéresser le philosophe. François Ansermet. Oui, moi je pense que tout le travail que vous nous proposez dans cette émission, il est à faire dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on a peut-être pointé là une série d'enjeux qui sont des enjeux pour les neurosciences et qui sont des enjeux pour la psychanalyse. Je crois que c'est pas quelque chose comme deux corpus établis, fermés, qui s'affrontent. C'est vraiment un travail où il faut tirer les conséquences de questions contemporaines. À ce propos, je vais profiter de cette antenne pour mentionner que le 27 mai au Collège de France, Pierre Magistretti et moi-même organisons, dans le cadre de la chaire internationale qu'occupe Pierre Magistretti au Collège de France, un colloque sur neurosciences et psychanalyse, où participera d'ailleurs Catherine Malabou et toute une autre série de psychanalystes et de neuroscientifiques. Alors, à ce propos, justement, je l'évoquais il y a un instant, mais la neuro psychanalyse, ça existe. Vous avez cité Mark Solms. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer ou pas? Comment, Vanina, Michael Reichmann, comment vous appréciez ça? Comment c'est reçu en France? Parce que c'est quand même très très marginal encore en France. On a traité. Il y a quand même des expériences qui sont, par exemple, celles de ce qu'on appelle la psychosomatique. Il y a des consultations au sein des hôpitaux là-dessus. Mais voilà, neuropsychanalyse, ça c'est quelque chose d'un peu étrange, non encore? Oui, c'est pas tout à fait la même chose que la psychosomatique, justement. Oui. Hein, c'est nouveau, hein, la neuropsychanalyse, c'est vraiment... c'est présent aux États-Unis, pas beaucoup en France. Enfin, il y a quelque chose là qui se met en place. En même temps, neuropsychanalyse, comment ils entendent psychanalyse, hein? Moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire, du coup, quelle conception de l'inconscient ont-ils? Est-ce que c'est la même conception que nous? En même temps, c'est pas simplement des comportements. On peut pas soupçonner Wittlocher, qui est quand même un des représentants de la neuropsychanalyse en France, enfin, je pense que sa définition de l'inconscient est... Oui, parce qu'il faut préciser quand même, parce que c'est un peu implicite, mais qu'on va se retrouver dans des débats entre psychanalystes et puis comportementalistes qui vont effectivement traiter juste simplement les symptômes. Or, chez les neuropsychanalystes, il y a quand même un travail très fort sur ce que c'est que donc le psychosomatique, est un traitement du corps dans la maladie, un traitement psychanalytique du corps dans la maladie, qui n'est pas simplement le travail de ceux qui vont effectivement adopter une psychologie comportementaliste, non? Oui, non, c'est vrai que c'est différent, mais en tout cas, on va dire que c'est en plein... Voilà. François, juste pour dire que le terme neuropsychanalyse est un peu compliqué parce qu'il prête à la confusion sur l'idée d'un recouvrement sans reste entre neurosciences et psychanalyse dans un modèle analogique, et je pense qu'il faudrait inventer un autre terme pour montrer les points de rencontre, les points de butée et les paradigmes. François, on l'écrit avec un trait d'union. C'est quand même très important. Oui. Pourquoi? On y tient au trait d'union. Pourquoi? Parce que je pense que, effectivement, je pense pas, moi, qu'il s'agisse d'un recouvrement. Je pense qu'il y a une sorte d'espace entre les deux, marqué par ce trait, auquel on tient beaucoup en France. Oui, bon, alors. Qui peut-être ouvre aussi la question d'un. Oui, oui, on va introduire la logique du trait, d'union et de discontinuité. Là, vous voyez, la réflexion de la philosophe, là, et c'est vraiment travailler sur le trait d'union plus que sur les termes qui sont unis. Hein. Absolument. Donc, je crois en tout cas que on perçoit à travers vos discussions hein, que c'est un enjeu de fond et c'est un enjeu philosophique hein, que cette question, non pas simplement d'une théorie générale de la personnalité qui serait prise en charge par la neuroscience, non pas simplement aussi de la psychanalyse qui veut quand même se mêler un petit peu de ce qui se passe dans le cerveau, mais à travers votre travail conceptuel que c'est un enjeu de fond et un enjeu aussi philosophique, pas seulement médical. Je vous remercie donc pour votre discussion et puis je renvoie à nos auditeurs un certain nombre de vos livres. Alors, François Ansermet, vous avez publié avec Pierre Magistretti, donc vous l'avez évoqué, « À chacun son cerveau », chez Odile Jacob en 2004. Alors, Catherine Malabou, donc vous venez de faire paraître « Les nouveaux blessés de Freud à la neurologie, pensée des traumatismes contemporains » chez Bayard. Vous aviez déjà, chez Bayard, fait paraître « Que faire de notre cerveau ?» Et Vanina Micheli-Reichmann, vous avez fait paraître « La psychanalyse face à ses détracteurs ». Voilà, je voulais en citer d'autres, mais je ne sais pas si j'ai vraiment le temps, hein, mais voilà, il y avait quand même sur la neuropsychanalyse, Jean-Bazin Astora, Quand le corps prend la relève. Il y a aussi le livre de Paul Ricoeur qui vient de sortir autour de la psychanalyse. Voilà, j'ai plus trop le temps, hein, mais il y a une très très large activité éditoriale là-dessus, sur ces sujets. Voilà, c'était les Vendredis de la philosophie, présentés par François Noudelman avec la collaboration de Marianne Chasseur, à la technique Pascal Dupont, réalisation Clotilde Pivin. Notre prochaine émission, la semaine prochaine, 28 mars, sera sur les actualités Michel Foucault.